Douiman. Bonjour ou bonsoir selon votre zone d'écoute. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Nous sommes dimanche 23 mars 2025. Six grandes usines de transformation agroalimentaire de Ngozi, qui étaient pressenties comme moteur de développement de la région, ont fermé leurs portes après une courte période de fonctionnement et pour cause majeure, un manque de capacité managériale. Vous l'entendrez. Quand la trahison des hommes entrave l'utilisation des méthodes contraceptives chez leurs épouses, pourtant acquises à la cause, cela se passe à Kirundo et le sujet a fait l'objet d'un débat organisé par le centre Agathon Tukumukenyezi. Nous appellerons notre correspondante. En actualité internationale en Turquie, la justice a ordonné ce dimanche l'incarcération du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. C'est le principal opposant au pouvoir. Voilà pour les grands titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Six grandes usines bien équipées qui transforment les produits alimentaires comme la tomate, le maïs ou d'autres produits en province Ngozi n'ont pas fait long feu. Une année de fonctionnement pour certaines depuis qu'elles ont été implantées autour des années 2019-2020 et pour cause principale, l'incapacité de gestion de telles entreprises, comme déclaré ce samedi dans une réunion d'évaluation des réalisations de la province Ngozi pour l'année 2024. Apollinaire Mouzagara pour les détails. Comme évoqué dans cette rencontre, six usines qui auraient contribué au développement de la province Ngozi sont fermées suite aux diverses raisons parmi lesquelles l'incapacité de gérer de telles grandes usines, le manque de capitaux, manque de devises pour les importations. Parmi ces usines figurent celles de la zone Mivo, capable de produire trois sortes de farine de maïs et trois variétés de son de maïs, celle de la commune Gashikanoa opérant dans la transformation du riz de qualité, les usines de Rukecho et Kiremba qui fabriquent de la farine de patates douces pouvant donner de bon pains et beignets et autres. Ces usines construites par le gouvernement du Burundi via différents programmes dont le Prodema et autres sont malheureusement aujourd'hui fermes. En dépit de cela, il y en a d'autres qui sont en fonction et qui contribuent énormément au développement de la province. Il a été cité la brasserie Brewery, Tibou, King's Company et autres. Les participants dans cette rencontre de ce samedi promettent de se réunir sous peu en vue de voir comment faire fonctionner ces usines. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Mouzagara. Partons maintenant à Kayanza pour retrouver notre correspondant qui nous parle de l'école fondamentale située sur la colline Chembati en commune Butaganzwa de la province de Kayanza. Cette école a reçu ce vendredi un don de 40 pupitres de la part d'un des natifs. La commune scolaire Butaganzwa a besoin de 1500 bancs pupitres au total, raison pour laquelle l'administrateur communal Kanyana Janvier appelle d'autres natifs de la commune à l'appuyer dans les différents secteurs de la vie de la commune. Patrick Saint-Guillaume. Comme l'indique Bigirimana Richard, le directeur de l'école fondamentale Chembati en commune Butaganzwa de la province Kayanza, les derniers jours, cet établissement scolaire a enregistré le besoin de 120 bancs pupitres avant que les natifs de la colline ne donne que 40 parmi ses bancs pupitres. Docteur Edouard Ndouimana, celui qui a donné ses bancs pupitres, a promis qu'il continuera à appuyer le secteur de l'éducation autant que les moyens le lui permettront. Kanyana Janvier, administrateur communal de Butaganzwa, a salué chaleureusement cette initiative de langue des natifs de la commune Butaganzwa d'appuyer le secteur de l'éducation et a appelé d'autres natifs d'ailleurs à emboîter le pas, non seulement dans le secteur de l'éducation, mais aussi dans d'autres secteurs de la vie de la commune. Le directeur de l'Ecofo Chembati a saisi l'occasion vendredi de la visite de l'administrateur communal et ses conseils à la colline Chembati pour exprimer la doléance selon laquelle cette école n'a pas d'eau potable depuis déjà 8 ans. À cette doléance-là, Kanyana Janvier, administrateur communal de Butaganzwa, a promis que l'adduction en eau potable à cette colline se fera la semaine prochaine. Habimana Félix, le directeur communal de l'éducation à Butaganzwa, signale que la commune scolaire qu'il dirige se retrouve aujourd'hui dans le besoin de 1500 bancs pupitres pour que les élèves puissent suivre les apprentissages assis confortablement. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiou va pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les incompréhensions de certaines gens, y compris certaines confessions religieuses sur l'utilisation des méthodes contraceptives et l'insuffisance des bâtiments, voilà quelques défis que rencontre l'association pour le bien-être familial Aboubef dans ses activités. Propos du président municipal des volontaires de la Boubef ce samedi lors de la 30e assemblée municipale des volontaires. Bruno Niyobahwe invite les jeunes de la capitale à visiter les centres de la Boubef en mairie de Bujumbura pour plus de compréhension. Il demande au gouvernement de leur remettre les bâtiments du centre à Boubef Bouyenzi pour la bonne marche des activités des jeunes. Suivez-le. Nous sommes satisfaits car même si tout n'est pas blanc, tout ce qu'on avait prévu ont été accomplis à 90%. Les défis auxquels nous avons fait face sont souvent les incompréhensions de certaines gens, y compris certaines confessions religieuses, sur l'espacement des naissances. Ils donnent une mauvaise interprétation comme quoi les méthodes contraceptives causent des maladies. C'est pas vrai. Sinon, le ministère de la Santé nous l'aurait dit, car il le vérifie. Beaucoup de jeunes ne comprennent pas ce que la Boubef fait. Elle n'est pas là pour donner les méthodes contraceptives aux gens seulement. La Boubef invite également les jeunes à venir visiter ces centres. Comme ça, ils seront informés sur ce que les parents ne leur disent pas. Aujourd'hui, on peut dire que ça commence à changer. Mais avant, les jeunes ne posaient pas de questions sur la santé reproductive en famille. Ils allaient chercher leurs informations dans la rue, ce qui causait de dommages sur leur santé et sur leur comportement. Auparavant, nous possédions des bâtiments suffisants au centre d'Abobef à Bouyenzi. Le gouvernement nous facilite, oui, mais pour que nos activités se réalisent convenablement, nous le demandons de nous remettre les bâtiments qui étaient jadis les nôtres, qui sont maintenant occupés par les vendeurs du marché de Ruvumeira. Parlons toujours contraception avec certaines femmes de la commune de Kirundo qui se plaignent d'être trahies par leur mari en ce qui concerne l'utilisation des méthodes contraceptives. En effet, ces hommes continuent de faire des enfants illégitimes sur d'autres femmes, ce qui ne manque pas de provoquer des frustrations chez leurs épouses qui finissent par rompre avec ces méthodes et accoucher à nouveau. Le sujet a fait objet de débats ce jeudi sur l'initiative du centre Agatou Tukumu Kenyezi. Correspondance d'Agnès Naumagazé depuis Kirundo. Ces femmes disent que ces méthodes sont utiles pour la santé, du fait qu'elles les permettent de réguler les naissances. Mais elles déplorent les difficultés liées au fait qu'ils observent des cas où certains hommes donnent naissance à d'autres enfants en dehors du mariage, alors qu'ils se sont convenus avec leur épouse pour réguler les naissances pour le bien de leur famille. Selon ces femmes, cela provoque chez certaines femmes des blessures psychologiques qui les poussent à abandonner l'utilisation des méthodes et à rivaliser avec ses concubines en accouchant à nouveau. Ces femmes demandent de multiplier les formations liées à la santé sexuelle qui regroupent les hommes et les femmes, afin de les enseigner quel comportement adopter à de telles situations. Les hommes qui ont participé dans ces activités conseillent ces femmes de prioriser leur santé et de ne pas rivaliser avec ses concubines, mais de continuer l'utilisation de ces méthodes pour le développement de leur ménage. Le centre Agatou Tukumu Kenyezi qui a organisé ces activités interpelle ces femmes de se maintenir en bonne santé pour vaquer aux activités de développement, car elle ne peut pas travailler étant dans une situation d'une mauvaise santé. Ils interpellent l'administration d'accompagner ce genre de ménage par des formations sur la cohabitation pacifique. Depuis Kirundo, Agnès Sinamagadze pour la radio Isanganiro. Merci Agnès Naumagazé. De la contraception, on passe au sport avec la clôture ce dimanche du championnat national de handball édition 2025 à Bujumbura. D'après le directeur technique national au sein de la Fédération burundaise de handball, le constat est que le niveau de jeu des équipes de l'intérieur du pays s'est relevé comparativement aux récentes éditions. Fabien Zambimana exhorte les équipes gagnantes à multiplier les entraînements afin de bien représenter le Burundi dans les compétitions internationales. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. D'une façon générale, le championnat s'est très bien déroulé parce que nous avons commencé en huitième de finale. On a évolué. Vous voyez que depuis hier, on est dans la phase de la demi-finale. Aujourd'hui, c'est la finale. Bref, tous les matchs se sont bien déroulés. Et on voit que nous avons de jeunes filles et de jeunes garçons qui sont vaillants, qui jouent très bien avec des techniques bien appréciables. Donc, je dirais qu'on est satisfait de ce qu'on fait les coachs, de ce qu'on fait les présidents des associations, de ce qu'on fait la fédération de Bundesliga. Et combien des équipes qui ont pu participer dans ce championnat national édition de 2025? 16. Normalement, notre organisation fait que les associations fassent des championnats. Puis au niveau des championnats des associations, on prend 4 équipes. Après, alors les associations commencent à s'affronter entre elles et on reste avec les 16 équipes qui s'affrontent pour le championnat national. Et ces équipes étaient venus dans quelle province? Étaient venus principalement de Rumonge, de Makamba, de Bubanza, de Bujumbura Meri, de Muyinga, de Ruigi, de Rutana, de Buhuli et de Gitega. Et quelles sont les équipes qui seront premières dans ce championnat? Les équipes premières d'abord, c'est le primaire ici. Le devoir de la fédération de préparer ces équipes parce qu'à un moment donné, ils vont avoir des invitations pour aller affronter d'autres équipes de l'extérieur du pays. Et puis en tant que le directeur technique aussi de la Fédération burundaise de handball, comment évoluez-vous au niveau des équipes qui ont pu participer? Le niveau des équipes est bon parce que si vous regardez très bien c'est les observations que j'ai faites. Vous voyez que le match, par exemple, qui est en train d'être joué, oppose l'équipe, les jeunes filles cadettes de Ligue, les jeunes filles cadettes de Bururi. Vous voyez que c'est un match de haut niveau par rapport à l'âge. Pour dire qu'au niveau technique et tactique, moi, personnellement, je suis satisfait. Et cela vous donne quel espoir dans l'avenir? Cela me donne l'espoir que le pays sera très bien, valablement représenté au niveau de l'extérieur. Et quel appel pouvez-vous lancer aux équipes qui seront premières dans ce championnat national? L'appel que je lance aux équipes qui seront premières au niveau du championnat national, je leur dis d'augmenter l'effort dans le but d'augmenter la performance et puis aussi garder les places parce que ceux-là qui vont perdre ne vont pas croiser les bras. Je crois qu'ils ont vu où ils ont perdu, ils ont vu les failles qu'ils ont connues. Les équipes gagnantes ne doivent pas aller dormir ou croiser les bras. Ils doivent plutôt travailler plus fort pour remonter les niveaux et garder les places. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, les rebelles de l'AFC M23 ont annoncé ce samedi 22 mars qu'ils allaient se retirer de Walikale Centre dans le Nord Kivu, localité qu'ils occupaient depuis mercredi. Ils disent vouloir ainsi favoriser un climat propice au dialogue. Mais du côté des forces armées congolaises, on doute de cette déclaration. Des sources militaires affirment que les rebelles n'ont pas l'intention de quitter la zone et soupçonnent une manœuvre visant à préparer une avancée vers Kisangani, située à environ 400 km. Et au lendemain de la reprise du palais présidentiel de Khartoum, l'armée a poursuivi ses progrès dans la capitale samedi 22 mars 2025. Plusieurs autres bâtiments symboliques sont tombés entre les mains des troupes du général Al-Burhan, dont la Banque centrale du Soudan, le siège des services de renseignement et le musée national. Dans le même temps, des combats se poursuivent également au Darfour. Selon des acteurs de la société civile, au moins 45 civils ont été tués jeudi lors d'une attaque des paramilitaires contre la ville d'Al-Mala, au nord Darfour. Les paramilitaires avaient affirmé avoir encerclé et pris cette ville, faisant plus de 380 morts ennemis. La vaste région du Darfour est presque entièrement sous le contrôle des FSR, du général Emeti, qui n'ont cependant pas réussi à s'emparer d'El Fasher. Et en Turquie, un juge a ordonné ce dimanche 23 mars l'incarcération pour corruption d'Ekrem İmamoğlu, principal rival du président Recep Tayyip Erdogan. L'opposant avait été amené la veille au soir avec 90 de ses co-accusés au tribunal, provoquant d'énormes manifestations de contestation. La nouvelle décision risque d'aggraver la colère qui traverse le pays. Tandis que les soutiens d'Ekrem İmamoğlu se préparent à nouveau à manifester, les membres du Parti républicain du peuple ont commencé à voter ce matin dans le cadre d'une primaire pour désigner leur candidat à la prochaine présidentielle prévue en 2028. Ekrem İmamoğlu est le seul en lice. Et ce dimanche, c'est donc le candidat du plus grand parti d'opposition turc que la justice a emprisonné. Le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, est poursuivi dans le cadre de deux enquêtes, l'une pour corruption et l'autre pour aide à un groupe terroriste, soit le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Radio Isanganiro, chronique nutrition.